Tic tac, le temps s'écoulera. Rime en vrac, bric à brac et on te finira. Ammoniaque, clic, clac, mon gars, ne parle pas. Démoniaque, maniaque, peu importe, ferme-la. Ta face à réalité, c'est surmonter le négatif. De rien à foutre de ceux et celles qui sont contre les spliffs. Tout ce que je désirais avant, c'était pris au pif. Mais maintenant que je suis back, je spit vraiment ce que je kiffe. Ils ont tous voté pour la CAQ, puis on parle de guerre en Irak. Qu'est-ce que ça va prendre tabarnak pour que tout le monde fasse un pacte? On aurait pu de mettre du gaz et ça, c'est tout le Québec qui agence. Y'en a qui cochent pas la bocasse, plusieurs d'entre vous savent pas la base. Ah ouais, prends une bière, pis calme-toi les nerfs. Sérieux, à quoi ça sert de tous faire la même air? On sera jamais sorti de cette misère. Lève tes bras dans les airs et chante avec moi ce petit air. La réalité n'est jamais désirée. On fonce vers la victoire, on a le mal aux pieds. On rit dans nos barbes, oui c'est relatif. Les deux pieds dans marbre, c'est pas du fictif. La réalité n'est jamais désirée. On fonce vers la victoire, on a le mal aux pieds. On rit dans nos barbes, oui c'est relatif. Les deux pieds dans marbre, c'est pas du fictif. On a trop de poids sur nos épaules, la vie est pas tout le temps rose. Y'en a beaucoup qui se trouvent drôles, si je le fais c'est pour la cause. J'ai la conscience qui me tracasse, quand j'écris c'est efficace. Je veux pas avoir la badass, mais tu sais que ta femme c'est une pétasse. Tous les BS sur leur divan, se plaignent de leur vie sacrement. À toutes les putes de Sainte-Catherine dans la vie ont mauvaise mine. Je crois pas qu'on est assez grand pour faire tous nos propres choix. La plupart jouent au mime, mais pour moi ils sont tous minimes. Ça va bien aller qu'ils disent, faut pas péter de crise. On va pas finir par terre, j'dis pas des paroles en l'air. Dis-moi c'est quoi ta mise, c'est sur moi ou lui que tu vises. J'crierai jamais misère, c'est normal pogner les nerfs. La réalité n'est jamais désirée. On fonce vers la victoire, on a le mal aux pieds. On rit dans nos barbes, oui c'est relatif. Les deux pieds dans marbre, c'est pas du fictif. La réalité n'est jamais désirée. On fonce vers la victoire, on a le mal aux pieds. On rit dans nos barbes, oui c'est relatif. Les deux pieds dans marbre, c'est pas du fictif.